Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est samedi et c'est l'heure de la consultation du docteur Disco. Alors, cette première émission de l'année, je tiens à vous souhaiter tous mes voeux de bonheur, de bonne année, plein de bonnes choses à vous tous et à vous toutes, et surtout plein de bonnes émissions sur Fadjet. Alors, on va commencer par la découverte. Aujourd'hui, Sharon Reed et son titre Never Give You Up. Elle voit le jour le 19 octobre 1945. C'est la demi-sœur de la chanteuse R&B Penny Ford. Elle commence sa carrière en 1968 en enregistrant 4 singles. Alors en 1979, Reed enregistre le hit disco Love Insurance, publié par Panorama Records, avec son nom en couverture, sa propre voix étant non créditée. Mais elle signe bientôt un contrat d'enregistrement avec Prelude Records et Reed devient l'artiste la plus titrée du label. Son premier album éponyme des années 80, Sharon Reed, est suivi de près par 2 autres. Red Hot et Love How You Feel. Reed place plusieurs chansons sur le Hot Dance Club Party Charts, y compris Beat the Street, In the Name of Love et Love How You Feel. Elle meurt d'une pneumonie le 1er mai 1992. C'était en 1982 et ça donnait ça. We'll be right back. Maintenant l'heure de notre rubrique des 100 hits. Aujourd'hui, Rod Stewart. Bah, que vient-il faire ici, allez-vous me demander? Vous allez comprendre, patientez, patientez. En 1978, Rod se rend au Carnaval de Rio avec Freddie Mercury et Elton John. Durant ce séjour, ils entendent en boucle à la radio la chanson de George Ben, Taj Mahal. C'est une version funky sortie en 1976. Suite à ce séjour, il va enregistrer son album Blonde Have More Fun. Rod Stewart va enregistrer un titre surfant sur la vague disco et compose lui-même Die I Think I'm Sexy, dont l'histoire est quelque peu entachée. Alors, comme à son habitude, il aime composer la musique. Il se met à fredonner la mélodie de Taj Mahal et l'adapte à sa sauce. Alors, il est à noter que dans sa biographie, il jure qu'il n'a pas voulu plagier. Par contre, Elton John, lui, affirme le contraire et va même jusqu'à dire que Rob a voulu cacher ce plagiat. Ah, par contre, il y a une chose qui est sûre. Rod Stewart assure le plagiat sur la mélodie au clavier qui est empruntée à un titre de Bobby Womack. George Ben, lui, n'hésite pas à attaquer Rod et obtient gain de cause avec une partie des droits d'auteur. Cela étant, Die I Think I'm Sexy est numéro 1 partout et devient la chanson la plus associée au chanteur. Elle illustre la victoire du disco devant lequel les plus grandes stars du rock posent les armes comme Blondie ou Electric Light Orchestra. Allez, c'est parti! Pour la suite de la BO, nous voici de retour sur la fièvre du samedi soir. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter Yvonne Elliman et son titre « If I Can Have You ». La chanteuse est née à Honolulu en 1951. Son premier fait notoire en chant et dans l'opéra rock « Jésus-Christ Superstar » sorti en 1969 où on lui propose le rôle de Marie-Madeleine. Elle partira en tournée 4 ans. Un single en est tiré. I Don't Know How to Love Him. Elle est ensuite approchée par Eric Clapton pour faire les chœurs de la reprise de I Shot the Sheriff. En 1977, les Bee Gees, travaillant sur la bande sonore du film Saturday Night Fever, la fièvre du samedi soir, lui propose une chanson qu'elle accepte. Et ça deviendra un de ses plus grands succès. Allez, on y va ? Et ben vous allez en avoir avec le maxi du jour. Positive Force est un groupe de musique américain connu dans les styles funk, soul et jazz. Formé en Pennsylvanie par Albert Williams et Brenda Reynolds, le groupe acquiert sa célébrité au Royaume-Uni vers la fin des années 70. Dans les bacs en 79, le single We've Got the Funk reste loin des feux des projecteurs aux États-Unis mais devient un tube des clubs au Royaume-Uni. Contre toute attente, We've Got The Funk a passé une semaine au top 20 au hit parade britannique en 79. Mais par contre, c'est qu'après que le titre est passé à la postérité. Mais ça, c'est une autre histoire. la pipite, on va s'écouter un petit morceau de Prince. Un de ceux qui vous reste bien en tête. Little Red Corvette, extrait de l'album 1999, sorti en 1982. Il atteindra le top 6 US. Alors, pour l'anecdote, Prince a eu l'idée de la chanson quand il s'est endormi dans la voiture de Liza Coleman après une session d'enregistrement épuisante de nuit. Les paroles lui sont venues par petits morceaux au cours de ce somme, et puis d'autres siestes aussi. Bah finalement, il aurait été capable de le finir sans sommeil. Ne dormez pas, écoutez plutôt ceci. Alors toutes les bonnes choses ont une fin, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Je vous dis à samedi prochain et bonne semaine. Bye bye.